Laisse-moi donc à l'écart, car je me sens si bien dans ma caverne, loin des histoires de vengeance et des niquer ta mère. Je ne suis qu'un pauvre gamin qui, de gamelle en gamelle, s'est forgé entre certaines saveurs et ce goût amer. Tant qu'à faire, je te dévoile tout, passe mon stylo, mon shit et mes camels. Les rimes m'appellent, alors excuse si je retourne à ma peine, si je me prends la tête et si je nourris ma quête de toute excuse. Mais c'est pour éviter de faire trop de paradins. Trop longtemps, ma morale était en quarantaine. Elle était pour moi ce que la routine était la rengaine. J'avançais dans le noir sans bougie et sans lanterne. Et Dieu merci de cette époque, j'en ai fait une parenthèse. Je laisse la raison et la folie se battre entre elles. Je pars en guerre contre moi-même, avançant des pas sans crainte. Dans le seul but de pouvoir les compter un jour par centaines. J'armais la chance car trop longtemps je lui ai tenu la chandelle. Excuse si je suis entier et nature, c'est qu'avant de prendre la route j'ai parcouru les sentiers battus. Les ratures témoignent de la rage que je refoule quand je fabule. Excuse mais c'est peut-être dû à cette vie d'immature. Je suis comme si et parfois comme ça. Donc excuse si tu trouves tout ça paradoxal. Je sais j'ai l'air paranormal, je rentre dans aucun format. Mais j'espère juste faire du bien là où mon art a trop mal. Excuse mais j'en ai marre de faire l'acrobate. Trop garder en arrière car mon passé a pris trop de place. Je veux juste croire en notre histoire car il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux et voir le bon à travers ses faux pas. Excuse ma colère, mon humeur à cariatre. J'ai tellement pris de coups que j'en ai perdu mes molaires. Mais je suis passé par là pour être ce putain d'alliage. Alors pardonne-moi si je n'ai pas que de bonnes nouvelles. Je te parle à cœur ouvert, excuse si je n'ai pas beaucoup d'aide. Je voulais que tu saches qu'à mes yeux la passion n'est pas mon fond de commerce. Et si tu penses pas me connaître, alors prends juste un instant pour écouter ce texte et me dire si je l'ai mauvaise. Tu vois, tout n'a pas été si simple pour trouver mon archipel. Je me suis construit sans architecte. Rêve de va-l'hiver, tu le sais très bien que ma cause n'est pas si vaine. Je suis pas ceux qui traînent et parlent de principe pour leur être infidèle. Comme tous ici, j'espère avoir la vie de rêve. J'y pense, puis j'oublie, mais à force j'en ai la migraine. J'ai peur, et ça se voit à mon épiderme. Mais est-ce normal qu'à mon âge, je crois encore en croque-migraine? Alors excuse-moi d'avoir été si faible, si bête. D'avoir cru que tu n'étais que chimère, constamment sur les nerfs. J'émerge, 27 piges, et il n'y a qu'aujourd'hui que je peux voir que la vie est si belle.